magie après la chute. Tu ne retires pas ta promesse, car la discipline n'est pas l'abandon, mais le chemin vers une victoire plus nette. Cette fois la ville tombe selon ton temps, et l'échec devient un témoignage que ta grâce relève les combattants. Tu transformes la défaite en école de victoire. Tu nous relèves après la chute, tu nous réapprends à marcher droit. Même après nos erreurs lourdes, ta promesse demeure sur nous et en nous. Même après nos choix confus, l'autel se dresse au cœur du pays. La loi est relue à haute voix, car la guerre sans la parole ne mène jamais plus loin que la croix. Tu lises la victoire à l'alliance, le combat à l'obéissance, afin que le peuple se souvienne que tout commence par ta présence. La parole restaure la victoire.